pour combattre Néhémie dans le but d'empêcher la reconstruction de la muraille. Parce que nous avons vu les versets précédents, le verset 7 dit, « Mais Sanbala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astoniens furent très irrités. » Donc, vous voyez, ce sont ces gens-là, on dit, ils se liguèrent tous ensemble. Pourquoi nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas nous liguer contre le travail de Satan? Aujourd'hui, au lieu de nous liguer contre l'œuvre de l'ennemi, les chrétiens se liguent les uns contre les autres. Vous voyez, tout royaume divisé ne peut pas subsister. L'ennemi conjugue les efforts. Même quand les esprits malins, il est dit, quand un esprit impur sort de quelqu'un, il va prendre un renfort pour prendre cet autre esprit méchant. C'est la notion de la ligue. C'est-à-dire, ils vivent selon cet adage qui dit l'union fait la force. Même dans les camps de Satan, ils s'unissent. Pourquoi nous, on ne peut pas s'unir? Deuxième stratégie, c'est la surprise. L'ennemi cherche à nous surprendre. C'est-à-dire, pendant que toi, tu es distrait, il vient, il frappe, tu es distrait. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Il est dit ici au verset 11, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Vous voyez, ils cherchent à nous surprendre pendant qu'on est distrait. On est distrait. Sans prier, on n'est pas conscient de certaines choses. Il dit, nous viendrons. Il s'infiltre pour nous surprendre. Il dit, nous les tuerons pour faire cesser l'ouvrage. Mais Dieu nous a promis que nos ennemis ne nous surprendront point si réellement nous sommes éveillés. Deuxième vérité, nous avons aussi des stratégies que ce passage nous révèle pour que nous puissions faire face aux attaques de l'ennemi. Nous avons quatre grandes stratégies ici. Première stratégie, nous devons monter une garde jour et garde nuit. Il y a des moments où les attaques sont tellement virulentes que il faut une stratégie efficace. Il est dit, nous établîmes une garde jour et garde nuit. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Garde jour, garde nuit, ça peut être l'équivalent aujourd'hui des chaînes de prière. Il y a des moments, quand vous voyez l'œuvre de Dieu, l'église est attaquée, la famille est attaquée, la nation est attaquée, où nous avons besoin de chaînes de prière. C'est-à-dire, c'est pour ne pas donner la relâche à l'ennemi. Vous voyez, garde jour, c'est-à-dire, quand l'ennemi vient la journée, il y a des gens qui veille. La nuit, il veille. Donc, nous devons veiller devant le trône de Dieu. C'est dans la prière. Il y a des moments où nous devons avoir des stratégies de veiller de prière ou des chaînes de prière pour que, par exemple, chaque heure, il y ait quelqu'un qui est en train de prier pour un sujet. C'est une façon d'établir une garde jour et garde nuit pour nous défendre contre les attaques. Deuxième stratégie, c'est une bonne organisation. Parfois, pour combattre l'ennemi, quand on est désordonné, par exemple, on combat de manière disparate, on ne peut pas vaincre. Il faut aussi une bonne organisation. Regardez ce que l'ennemi a fait ici. Il est dit au verset 13, « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec les épées, leurs lances et leurs arcs. » Donc, il fallait une bonne organisation, les peuples par famille. Non seulement cela, il est dit au verset 13, il est dit au verset 16, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs de Juda, les chefs étaient derrière toute la maison. » Donc, il fallait une bonne organisation. Donc, diviser les gens en équipes. Bon, il y a une moitié il y a une moitié qui se chargeront du travail de manière permanente, mais il y a une autre moitié, par exemple, qui doivent être armées. Par exemple, dans nos églises, c'est pourquoi nous devons avoir, par exemple, des équipes. On dit, il y a une équipe d'évangélisation, il y a une équipe, par exemple, d'intercession. Pendant que les gens s'en vont sur le terrain pour évangéliser, il y a une autre équipe qui est en train de jeûner, par exemple, pour prier de manière constante, de manière continuelle. Par exemple, dans une chambre haute, vous voyez, c'est une façon de bien s'organiser. Quand on est désordonné, c'est difficile de pouvoir vaincre l'ennemi. Troisième stratégie, nous devons travailler dans la concomitance. C'est-à-dire, tout en travaillant, nous devons être armés, vous voyez. Néhémie a compris qu'il fallait que aussi que ceux qui étaient au niveau, ceux qui bâtissaient la muraille, là, il fallait d'une main, pendant qu'ils sont en train de bâtir, l'autre main, ils sont aussi armés. Ça, c'est important. C'est pour dire que parfois, quand nous faisons l'œuvre de Dieu dans le ministère, on ne peut pas seulement se donner au ministère. On enseigne, on prêche, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Il faut aussi l'autre main. On est en train de prendre une arme. Les armes, par exemple, dont nous parle Éphésiens chapitre 6. La prière, la méditation de la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, le paix de l'esprit. Vous voyez, une main, tu es en train de travailler. Une main, tu es en train de prier. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Depuis que tu as commencé ton travail, là, tu n'as même plus le temps de prier. Mon ami, c'est très dangereux. Hein? Tu dis, tes chefs te donnent le travail, tu te réveilles très tôt le matin, tu t'en vas à 6h au travail, tu reviens tard à 22h, tu n'as même plus le temps de prier avec ta femme, avec tes enfants, mon ami. Là, c'est dangereux. Il ne faut pas que l'ennemi te surprenne. Il faut une main, tu es en train de travailler, une autre main, tu es en train de tenir une arme. La principale arme, c'est la prière. Quatrième stratégie, nous devons aussi avoir des hommes de confiance qui peuvent nous renseigner sur ce que nos ennemis font. Vous voyez, de la même manière que nos ennemis, ils ont des services de renseignement, nous aussi, nous devons avoir nos services de renseignement pour que nous puissions découvrir ce qu'ils sont en train de faire pour déjouer leur projet. Vous voyez, il est dit au verset 12, « Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. » Et ce sont ces informations qui ont permis à Néhémie de prendre des dispositions pour savoir comment contrecarrer leurs attaques. Et il est dit au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Troisième vérité, c'est un ordre divin. Un ordre qui est accompagné d'une promesse. Il y a trois éléments ici. Au verset 14. J'ai regardé, m'étant levé, j'ai dit au grand, au magistrat, au reste du peuple. 1. Ne craignez pas. Ne les craignez pas. Je vais parler à quelqu'un. Tu as appris qu'il y a des gens qui veulent te tuer, ils veulent te combattre. Ils vont te faire du mal parce que tu étais levé pour servir le Seigneur. Ne les craignez pas, il y a des gens qui t'intimident. Tu veux commencer à bâtir une maison. Les gens te disent que non, si tu finis ta maison, les sorciers vont te bouffer. Ne les craignez pas. Si tu as peur, tu ne réaliseras jamais de grandes choses. Deuxième promesse, Dieu dit, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Même lorsque les gens te combattent, ça peut être les mystiques, les magiciens, les sorciers. Mais souviens-toi que tu as un Dieu qui est tout puissant. Il s'appelle El Elyon, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, tout genou fléchi devant lui. Il a vaincu Satan et ses puissances à la croix de Golgotha. Souviens-toi de lui, il est plus fort, il est plus puissant que toutes ses forces. Et troisième chose, il dit combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, vos femmes et pour votre maison. Lorsque vous combattez, ne combattez pas seulement pour vous-même. Vous avez aussi des parents, vous avez votre mari, votre femme, vous avez des frères. Il faut combattre pour eux. Et celui qui est en vous te donnera la victoire. Oh, gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions glorifier ce Dieu. Chantons ce cantique. Thank you. Alléluia. Bénissons le Père, bénissons Jésus-Christ, bénissons le Saint-Esprit. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant. Avec toi, Seigneur, nous sommes majoritaires malgré la ligue de l'ennemi, mais toi, tu nous rends plus que vainqueurs. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Seigneur, nous t'exaltons. Toi, le Dieu qui ne peut être surpris. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu veilles sur nous nuit et jour. Oh, tu es notre protecteur. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous t'élevons dans nos vies et nous te glorifions, notre Seigneur, notre Dieu. Toi qui es notre soutien et notre bouclier. Nous te rendons toute la gloire, ô éternel, notre Dieu. Toi, le Dieu en qui nous pouvons nous confier entièrement, parce que toi, tu ne nous déçois jamais. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Oh, sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi, notre seul appui et notre victoire. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage, c'est Néhémie 4, 8 à 23. Nous venons de voir quelques stratégies de l'ennemi, la ligue, la surprise. Nos ennemis se liguent pour nous combattre. La Bible nous dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Tu vas prier le Seigneur pour anéantir toute la ligue de l'ennemi contre ta vie. Que Dieu les confonde et que leurs projets échouent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tendre Père, vers toi, ô Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Je mets ma confiance nuit et jour en toi et je demande ta protection contre tous ceux qui se liguent contre moi, contre mes adversaires et mes ennemis, contre ceux qui méditent ma chute, contre ceux qui méditent la ruine de ma famille. Ô Dieu, tu es pour moi un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. J'ai mis mon espérance en toi et je te dis merci. Merci parce que tu me protèges. Merci parce que tu protèges tous ceux et toutes celles qui ont reçu ton fils Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour cette sécurité que tu donnes à tes enfants. Merci parce que nos ennemis, nos adversaires sont dans la ruine. Leurs projets sont voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom et chaque jour, nous te disons merci parce que nous avons mis notre foi, nous avons mis notre espérance en toi et tu ne déçois jamais tes enfants. Tu les sécurises chaque jour. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Même ceux qui sont dans la détresse, ta main puissante les relève toujours. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons avoir des stratégies. Garde jour et garde nuit, chaîne de prière, une bonne organisation. Travailler une main et une autre main, porter l'arme. Avoir aussi servi des renseignements. Prions le Seigneur pour que toutes ces stratégies, nous puissions les appliquer dans le domaine du combat spirituel au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, parce que le vrai plan de guerre vient de toi. Mais nous sommes dans le domaine spirituel. Nous prions que tu nous donnes, des secrets dans la prière, des plans de combat spirituel. Oui, Seigneur, semaine de prière, veillée de prière, jeûne de prière, se retirer pour la prière, se renseigner sur la stratégie du diable en lisant ta parole. Nous te demandons de nous équiper, connaître celui avec qui nous combattons. Nous croyons qu'avec toi, nous sommes dans la majorité. Nous croyons avec toi, nous avons la victoire. Parce que nous avons le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons le pouvoir du sang de l'agneau, le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir de la parole. Ô Seigneur, nous avons la victoire. Nous n'avons pas le droit de reculer, mais d'avancer, de résister et de faire des incursions dans son camp et remporter des grandes victoires. Nous sommes à toi. Tu nous as choisis. Conduis-nous à remporter ces victoires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons cette promesse du Seigneur. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur Dieu, redoutable. Combattez pour vos fils. Tu vas dire, Seigneur, je vais me souvenir de toi. Tu vas proclamer que le Seigneur est victorieux. Tu vas te rappeler ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Tu vas bannir l'esprit de crainte. Tu vas proclamer la victoire sur tous tes ennemis et tous ceux qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, combat. Prie pour tes parents qui sont malmenés par l'ennemi. Prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants dont les études n'évoluent pas. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sois béni, sois loué. Ce matin, le psaume 18 à partir du verset 33 jusqu'au verset 39. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes lieux élevés. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Cette parole et tant de promesses dans le combat pour que la victoire soit pour nous sont oui et amen. Merci parce que ton sang nous couvre. Merci parce que ton esprit est avec nous. Les anges sont avec nous pour nous accorder la victoire. La victoire dans notre vie propre, dans notre ministère, dans notre foyer. La victoire pour l'excellence de la vie chrétienne de toutes les personnes que nous aimons, surtout de nos femmes, de nos maris et de nos enfants. Nous prions, Père, et nous bénissons ton nom parce que c'est avec toi que nous menons le combat et le triomphe, la foi en toi nous donne et de croire qu'avec toi, nous ferons des exploits et tous nos ennemis seront toujours sous nos pieds. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.